Chapitre 17. L'esclave. Ophélie ôta ses lunettes et frotta longuement ses yeux brûlants. À force de fixer du texte, elle avait des mots imprimés jusque sous les paupières. Alors qu'elle s'étirait sur sa chaise, elle leva la tête vers le plafond, ou plutôt vers le sol. Des visiteurs y marchaient à l'envers, évoluant en silence entre les rayonnages des bibliothèques. Cela lui faisait toujours un drôle d'effet de penser que c'était elle qui se trouvait en haut et eux en bas. Elle referma son livre, puis vérifia une dernière fois la notice catalographique qu'elle venait de rédiger. Pas de date d'impression, pas de mention éditoriale et un illustre inconnu en guise d'auteur. Expertiser cette monographie avait été un vrai casse-tête, l'obligeant à alterner sans cesse entre lecture oculaire et lecture manuelle. Elle ouvrit l'habitacle du fantopneumatique et constata avec soulagement qu'il n'y avait pas de nouvel arrivage. Elle n'aurait pas supporté un livre de plus. Elle jeta un coup d'œil furtif à travers les cloisons en treillis qui séparaient son box de lecture de ceux de ses voisins. Les silhouettes des devins étaient penchées sur leurs ouvrages dans le halo des lampes. De zaines dissimulées derrière ces piles d'archives ministérielles, on ne voyait qu'un front de porcelaine où perlait la transpiration. Seule Médiana restait les bras croisés dans son box. Elle l'observait avec une curiosité amusée. « Tu as fini ton quota, signorina. Moi aussi. Allons faire nos trous ensemble. » Ophélie rassembla ses notices comme si elle avait le choix. Elles déposèrent les livres catalographiés au comptoir des fantômes qui, en vérité, n'avaient pas grand-chose d'ectoplasmique. Dotés d'un bel embonpoint et d'un teint de brique, ils devaient ce nom à leur pouvoir familial qui leur permettait de faire passer n'importe quel objet de l'état solide à l'état gazeux et inversement. Une fois fantomatisés, les documents les plus volumineux pouvaient circuler par tube pneumatique. Il était ainsi possible d'acheminer l'intégralité d'une collection encyclopédique d'un bout à l'autre du mémorial en un clin d'œil. Ophélie bascula du plafond au mur, puis du mur au sol, avant d'emprunter l'un des 8 transcendiums qui desservaient l'atrium. Elle ne vérifia pas si Médiana la suivait. Elle entendait le cliquetis de ses bottes derrière elle. C'était une sonorité ironique qui l'accompagnait en permanence où qu'elle allât, la poursuivant jusque dans ses cauchemars. Depuis que la devineresse lui avait mis la main dessus, elle avait cessé de s'appartenir. Le soleil qui se déversait par la rotonde s'éteignit dès qu'Ophélie pénétra dans l'ombre du secrétarium. Le gigantesque globe de l'ancien monde flottait en apesanteur au-dessus du hall, aussi proche et aussi inaccessible qu'il l'était dans ses rêves. Elle avait beau passer et repasser sous ce globe, elle ne lui voyait aucune faille. Il n'y avait qu'un seul accès possible, une passerelle qui se déployait depuis le transcendium septentrional jusqu'à une porte si bien fondue dans les dessins de la sphère qu'elle était invisible depuis le sol. La passerelle était sous la garde d'une sentinelle qui était relevée toutes les 3 heures. Elle s'actionnait à l'aide d'une clé spéciale dont très peu de personnes au mémorial possédaient une réplique. Lady Septima ne confiait la sienne qu'à son fils et, en de plus rares occasions, à Médiana et à Elisabeth lorsque Sir Henry requérait leur service. Ophélie aurait beaucoup aimé savoir ce qu'il fallait faire pour entrer dans les bonnes grâces de cet automate qui dirigeait les groupes de lecture sans jamais quitter son secrétarium. Elle ne l'avait pas encore rencontré, mais il lui était arrivé une ou deux fois de surprendre la résonance de son pas mécanique dans les étages inférieurs du globe, lorsque la base de données, dont les cartes perforées étaient toutes stockées au secrétarium, tombait en panne. Sir Henry engloutissait des références bibliographiques comme un goinfre des pâtisseries. Le rythme de catalographie qu'il leur imposait était intenable et les notices jamais assez détaillées à son goût. Ophélie ne comptait pas les fois où il lui avait fallu reprendre un travail à zéro après qu'il lui eût été renvoyé avec, en gros caractères rouges, le coup de tampon incomplet. Lazarus avait créé ses automates pour mettre fin à la domestication de l'homme par l'homme. Ophélie aurait eu 2 mots à lui dire. Elle plissa les yeux. Un nuage en forme de serpent vola à travers les airs, décrivit une longue spirale et pénétra dans le globe terrestre par le haut. On ne pouvait voir les tubes en verre des fantopneumatiques que dans la lumière du soleil. Ils permettaient d'expédier des documents jusqu'au secrétarium. L'espace d'une folle seconde, Ophélie se demanda si ce n'était pas là le meilleur moyen pour elle de s'y introduire. Le règlement intérieur interdisait formellement la fantomisation d'êtres humains. Seuls les fantômes les plus expérimentés étaient capables de se transformer eux-mêmes en vapeur sans risquer d'y laisser la vie. Mais elle était désespérée. « Moi, vivante, tu n'iras jamais là-haut !» lui susurra Médiana en pinçant son menton pour détourner son regard du globe. « Faisons un détour. Ma Véchica ne tiendra pas une seconde de plus. » Ophélie la suivit sous le péristyle et attendit devant l'entrée des toilettes, comme l'aurait fait un chien docile. Jamais elle ne s'était sentie aussi humiliée. La colère qu'elle éprouvait contre Médiana était toutefois sans commune mesure avec celle qu'elle ressentait envers elle-même. Elle échangea un regard sévère avec celui de son reflet sur l'un des miroirs qu'elle apercevait par l'entrebâillement de la porte des toilettes. Elle avait compromis Thorne, ni plus ni moins. « Je n'irai pas par quatre chemins, vous n'êtes pas rentable !» En entendant la voix de Lady Septima s'élever à travers les arcades du péristyle, Ophélie se mit au garde-à-vous. Dans sa hâte, elle répandit toutes ses notices à ses pieds. Ne pas saluer un professeur, a fortiori un lord de luxe, entraînait une sanction immédiate. Cette leçon-là, elle l'avait apprise à coups de corvée et de retenue. Ce n'était toutefois pas à elle que Lady Septima venait de s'adresser, mais au vieux balayeur du mémorial, qui dépoussiérait méthodiquement chaque dalle au sol. « Ce sont les subventions généreusement octroyées par luxe qui entretiennent ce bâtiment. Nos mémorialistes ont tout investi dans des commandes d'automates. Faites-vous une raison. Leur rendement est 100 fois supérieur au vôtre. » Ophélie haussa les sourcils, tandis qu'elle ramassait les notices qu'elle avait fait tomber. Lady Septima brandissait un porte-formulaire sous le nez du balayeur aussi petite et musculeuse qu'il était grand et maigre. « Nous vous savons gré de vos loyaux et fidèles services, vieil homme. Mais il est temps de céder la place à l'avenir. Signez ce papier !» Lady Septima était l'incarnation de l'autorité avec ses yeux et ses dorures qui la faisaient flamboyer comme un soleil. Néanmoins, le balayeur fit simplement non de la tête. Ophélie ressentit aussitôt pour lui une irrésistible sympathie. À l'intérieur de sa poche d'uniforme, la montre de Thorne ouvrit et referma son couvercle dans un tac-tac retentissant. Le bruit impertinent fit pivoter Lady Septima sur ses talons. « Apprenti Eulalie, vous n'avez pas de travail !» Si Ophélie n'avait pas déjà eu les mains occupées à ramasser ses notices, elle aurait serré fort la montre pour l'empêcher de récidiver. Elle s'animait de plus en plus souvent, claquant du couvercle à tort et à travers. Pour une pauvre mécanique détraquée, elle ne manquait pas de répartie. « Si, madame. » « Vous n'en avez pas l'air. Je m'étais flattée de vos légers progrès à la fin de votre période de probation. Vous vous êtes lamentablement relâchée depuis. Ne vous reposez pas sur vos ailes. » Elles peuvent vous être retirées à tout instant. » Ophélie soutint le regard perçant de Lady Septima à travers les rectangles sombres de ses lunettes. Si cette femme s'était avérée aussi observatrice que son pouvoir familial la prédisposait à l'être, elle aurait subodoré ce qui se passait au sein de la division des avant-coureurs d'Hélène. Peut-être le savait-elle. « Je veillerai à ce que Sir Henry augmente les quotas de votre groupe de lecture. » décida Lady Septima en s'éloignant d'un pas militaire. « Vos camarades vous en seront très reconnaissants. Apprenti Eulalie ?» Une sanction collective. Ophélie avait vraiment besoin de ça. Pourtant, elle ne put retenir un bref sourire à l'intention du balayeur qui tourna imperceptiblement sa grosse barbe vers elle sans interrompre son dépoussiérage méticuleux. « Je vais finir par croire que tu aimes être puni, signorina. » Tous les muscles d'Ophélie se crispèrent à l'unisson. À peine sortie des toilettes, Médiana s'était appuyée sur son dos de tout son poids, de façon à la maintenir agenouillée au milieu des notices répandues par terre. Ophélie ne pouvait pas voir son sourire, mais elle le devinait dans le ronronnement félin de sa voix. « Attention !» lui souffla celle-ci à l'oreille. « Porte-poids, sa douceur !» Ophélie releva les yeux mortifiés. Blasius avait lâché son chariot de rangement au beau milieu de l'atrium pour se diriger droit vers elle. Médiana recula à son approche. La malchance du commis était proverbiale. Où qu'il fût, quoi qu'il fît, Il y avait toujours un effondrement de bibliothèque ou une explosion de lampes sur son passage. Blasius s'accroupit pour aider Ophélie à ramasser ses notices. Dans son empressement, il choqua son front contre le sien. « Miss Lally, » la salua-t-il avec un sourire hésitant, « j'ai tant essayé, vous n'étiez jamais... Anyway, je suis content de vous parler, enfin. » C'était en effet la première fois qu'il s'adressait la parole depuis leur rencontre dans le tramoiseau. Et pour cause, Ophélie avait scrupuleusement évité de le croiser au mémorial. Elle s'absorbait dans sa catalographie quand elle entendait son pas timide près des boxes de lecture. Elle rebroussait chemin dès qu'elle surprenait son chariot au détour d'un corridor. Il semblait si désireux d'engager la conversation, lui dont chacun fuyait la compagnie, qu'elle se méprisait un peu plus à chaque dérobade. « Désolée, » murmura-t-elle sans oser le regarder en face. « Mon apprentissage me prend tout mon temps. » Elle l'implora en silence de ne pas insister et de s'en tenir là. Comment lui faire comprendre qu'il ne devait plus se confier à elle? De sentir sur eux deux la curiosité jubilatoire de Médiana dans l'angle de ses lunettes était insupportable. Blasius se pencha davantage, ses yeux humides de hérisson cherchant obstinément les siens. « Miss Lally, si vous acceptiez de m'accorder ne serait-ce qu'un moment... » Ophélie lui prit ses notices des mains avec une telle brusquerie que Blasius n'aurait pas paru plus choqué si elle lui avait arraché le cœur de la poitrine. « Désolé, » répéta-t-elle. Elle ne pouvait pas être plus sincère. Il haussa ses sourcils hirsutes interdits, puis un éclair de compréhension passa dans ses yeux, une douloureuse compréhension. « Non, » dit-il en se reculant d'un pas lent, « c'est moi qui suis désolé. » Il repartit avec son chariot, le dos voûté, non sans avoir accidentellement roulé sur le pied d'un visiteur qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. À cet instant, Ophélie aurait voulu retrouver ses longs cheveux d'autrefois. L'inconvénient avec des boucles courtes, c'est qu'on ne peut pas se cacher derrière. « Oh, oh ! Aurais-je manqué une amourette parmi tes innombrables secrets ?» lui chuchota Médiana en se penchant sur son épaule. Ton pauvre mari, s'il savait. Ophélie ne put réfréner plus longtemps la décharge d'antipathie. Ses griffes s'étaient révélées impuissantes face à une dizaine d'assaillants, mais elles repoussèrent Médiana sans aucune difficulté. La garçonne se rétablit sur une pirouette et éclata de rire, comme si elle venait d'essuyer une simple rebuffade amoureuse. Ah oui, j'oubliais. Un peu dragonne, notre animiste. « Un mot de plus !» articula Ophélie entre ses dents. « Et je mettrai moi-même un terme à ce chantage !» Le sourire de Médiana se tordit en une moue sincèrement peinée. Il en allait toujours ainsi avec elle. Tantôt masculine et effrontée, tantôt douce et féminine, comme si elle portait tour à tour deux masques de carnaval. « Je crois qu'il est temps que nous ayons une petite discussion, Noy Doué. Allons faire nos trous. » Dans le jargon des mémorialistes, faire les trous consistait à transformer les notices manuscrites en cartes perforées pour la base de données de Sir Henry. Les perforatrices étant plus bruyantes que des machines à écrire, une salle insonorisée leur était spécialement dédiée dans les sous-sols afin de ne pas perturber le calme des lecteurs. L'endroit idéal pour parler à l'abri des oreilles indiscrètes. Vérifions d'abord ton travail. Médiana avait prononcé ces mots sitôt après avoir tourné le volant de la porte à air comprimé et s'être assurée qu'il n'y avait personne d'autre dans la salle des perforatrices. Juchée sur un tabouret, elle éplucha les fiches d'Ophélie une par une. « Tu t'es améliorée !» constata-t-elle avec un sifflement appréciateur. « Tes contextualisations sont de plus en plus précises. Bravissima !» Elle dévissa le bouchon d'un stylographe et se mit à raturer chacune des notices qu'Ophélie avait passé des heures à catalographier. « Voilà qui devrait rendre tes résultats un peu moins satisfaisants. »« Sir Henry me fera encore tout reprendre. » Les yeux de Médiana se mirent à briller avec le même éclat que les pierres précieuses de sa peau. Plus les lunettes d'Ophélie s'assombrissaient, plus son visage à elle s'illuminait. « C'est amusant. Tu parles de lui comme si tu craignais de le fâcher. »« Je ne crois pas qu'un automate puisse se fâcher, rétorqua Ophélie d'une voix sourde. Il n'en va pas de même pour moi. Seuls les meilleurs accèdent au secrétarium. En m'empêchant de me distinguer, tu me fais perdre mon temps. Je ne suis pas venue jusqu'à Babel pour être l'esclave de tes caprices. Oui, je sens que tu vis assez mal la situation, soupira Médiana. Je vais donc te révéler pourquoi je tiens tant à devenir avant-coureuse. Elle rendit ses notices à Ophélie et posa les siennes sur le pupitre d'une perforatrice. Cette machine ressemblait à un véritable piano avec son tabouret à vis et son beau clavier d'ivoire. Le bruit qu'elle produisait à chaque frappe, en revanche, n'était pas particulièrement musical. « Parce que les avant-coureurs savent tout sur tout le monde !» chantonna Médiana par-dessus le vacarme des perforations. « Et il se trouve que j'ai développé une véritable addiction pour les secrets !» Installée à sa propre machine, Ophélie ne put s'empêcher d'admirer la dextérité avec laquelle les doigts de Médiana dansaient sur les touches, sans la moindre hésitation. En ce qui la concernait, elle était encore loin de maîtriser les bases du code inventé par Élisabeth. Sa maladresse n'aidant pas, elle était souvent obligée de tout recommencer à cause d'une faute de frappe. « Il y a peu de domaines où tu n'excelles pas, » reconnut Ophélie à contre-cœur. Tu as déjà une longueur d'avance sur nous tous, alors pourquoi fausser nos résultats ? Médiana eut un sourire attendri tandis qu'elle enfilait une autre carte vierge dans sa perforatrice. Crois-tu honnêtement que je serai là où j'en suis grâce à mon seul talent ? Mon pouvoir familial me permet non seulement d'absorber les souvenirs de ceux que je touche, mais aussi leurs connaissances. Sais-tu pour quelle raison j'ai réussi à pénétrer dans le secrétarium ? Parce que Sir Henry et Lady Septima avaient impérativement besoin d'un traducteur de langue ancienne. Et sais-tu pourquoi je suis soudainement devenue excellente en langue ancienne? Parce que j'ai posé les mains sur beaucoup, beaucoup de spécialistes et que je leur ai permis en retour de poser les mains sur moi. Médiana avait ajouté cette dernière phrase d'un ton si léger, en pianotant sur son clavier d'un geste si enjoué, qu'Ophélie ne s'y trompa pas une seconde. Ce que cette jolie garçonne avait sacrifié pour satisfaire son appétit de savoir lui avait coûté plus cher qu'elle ne voulait le laisser entendre. « Et cela en valait la peine ?»« Tous les secrets en valent la peine !» Si ça ne tenait qu'à moi, je passerais ma vie dans les galeries du secrétarium pour en arracher chaque mystère. Tu as déjà entendu parler de l'ultime vérité, n'est-ce pas? J'ai la ferme intention de découvrir un jour ce que c'est. Cela étant, tes secrets à toi ne sont pas mal non plus, signorina. Médiana suspendit sa perforation et darda sur Ophélie un regard extrêmement sérieux cette fois. Je vais être franche. Certains de tes souvenirs sont très difficiles à interpréter. Je n'ai rien compris à ce gars capable de changer de tête. Je sais au moins une chose. Vous avez mis Babel dans une position délicatissime, ton mari et toi. La cité a conclu des traités commerciaux avec toutes les arches. Anima et le pôle en font partie. Ce n'est pas une terre d'asile pour les fugueuses et les fugitifs dans votre genre. Si Lux apprend qui tu es et qui tu cherches, tu risques gros. Et ce n'est rien comparé à ce qui arrivera à ton mari une fois attrapé. Babel prône la non-violence, mais crois-moi, vous ne voudrez pas savoir ce qui se passe dans leur centre de redressement. » Les doigts d'Ophélie dérapèrent sur son clavier. Elle en fut quitte pour jeter sa carte en cours de perforation et la remplacer par une vierge. « Alors quoi ? » dit-elle. « Tu vas me dénoncer ? » ?»« Non, signorina. Mais j'aimerais que tu comprennes que tu n'es pas en position de te plaindre. Mon chantage te déplaît ? Fais avec. »« Et si moi, je lisais tes effets personnels sans ta permission ? » Si je te faisais chanter à partir de tes propres secrets? Je te mets au défi d'en trouver un seul qui soit plus embarrassant que le tien. dit Médiana avec un sourire empreint de bienveillance. « Soyons sérieuses, de toi ou de moi, à qui Lady Septima accordera le plus de crédit ?» Ophélie fixa ses notices raturées sur le pupitre, inspirant et expirant profondément pour disperser la grisaille qui envahissait ses lunettes comme de la fumée au point de l'aveugler. Elle se sentait prise au piège. Était-elle donc condamnée à perforer semaine après semaine des cartes incomplètes? Devait-elle renoncer à chercher Thorne pour le protéger? Médiana reprit son poinçonnage avec la gestuelle gracieuse d'une concertiste. « Tu me détestes. Vous me détestez tous. Et le plus navrant, c'est que vous ne me détestez pas à cause de ce que j'ai découvert sur vous. Vous me détestez parce que vous sentez, au fond de vous-même, que je suis la personne qui vous comprend le plus au monde. Je m'en suis tenue à tes souvenirs récents, signorina, mais si j'étais remontée jusqu'à ta naissance, je te connaîtrais mieux que toi-même. » Tu ne me connais pas. Ophélie n'avait pu empêcher sa voix en prononçant ces mots de prendre les inflexions d'un avertissement. L'insolence de Médiana, l'aplomb avec lequel elle avait pris le gouvernail de sa vie, lui mettait chaque nerf à vif. « Oh, que si je te connais !» insista doucement Médiana. « Cet absent qui te hante, je sais combien tu as peur de ne jamais le retrouver. » « Et je sais, » ajouta-t-elle après un silence éloquent, « combien tu as tout aussi peur d'y parvenir. Tu détestes être infantilisé, mais face à un homme, tu restes une bambina sans expérience. » Les doigts d'Ophélie se mirent à trembler si fort qu'elle dut les enfoncer dans ses genoux. La vision fugace de Médiana en train de perforer des trous dans sa propre langue la traversa. Le reste de leur séance d'encodage se poursuivit dans un mutisme absolu, l'une et l'autre concentrées sur leur clavier. Médiana acheva rapidement son travail pendant qu'Ophélie peinait toujours sur le sien, complètement obsédée par ce qui venait de se dire. « Cadeau !» Elle contempla sans comprendre les deux billets de café-théâtre que Médiana venait de poser sur son pupitre. « Je ne suis pas aussi cruelle que tu le penses. J'étais sincère, tu sais, quand je te disais que j'aimerais un jour t'avoir pour assistante. Il est dans mon intérêt de prendre soin de toi, et tu es à cran. Demain, c'est dimanche. Prends ta perme, va en ville et rends-toi là-bas. » L'idée d'échapper quelques heures à la proximité de Médiana était séduisante, mais Ophélie n'aimait décidément pas cette manie qu'elle avait de prendre le contrôle de son emploi du temps. « Sans façon, » déclina-t-elle sèchement. « Ce n'était pas une suggestion. Tu n'as pas idée du nombre de personnes que j'ai dû faire chanter pour obtenir cette adresse. « Tu y vas. Punto e basta. Pourquoi » Pourquoi ? Médiana rangea ses cartes perforées dans le monte-charge. Son expression s'était faite énigmatique sous ses enluminures. À cet instant, plus que jamais, elle paraissait porter un masque carnavalesque. « Disons, pour faire simple, que ce n'est pas un endroit respectable. J'ai vu jusqu'à présent un parcours irréprochable, tu comprends. Je ne tiens pas trop à m'afficher là-bas, mais on raconte qu'il s'y passe des choses compromettantes. Vas-y sans ton uniforme, accompagné de préférence. Tu attireras moins l'attention. Récolte-moi des informations, et je ne serai pas ingrate. Tu me libéreras ? Non, mais nous procéderons à un échange de renseignements. Quel renseignement pourrais-tu bien avoir à me proposer ? Ophélie se raidit quand Médiana se pencha lentement, sensuellement sur elle, manquant de la déséquilibrer sur son tabouret. « Ce grand énergumène qui te fait office de mari, » chuchota-t-elle tout contre son oreille. « Je l'ai déjà croisé. Ici, au mémorial. » D'un geste voluptueux, elle cueillit les deux billets sur le pupitre et en tapota les lunettes d'Ophélie qui blêmirent jusqu'à la transparence. « Rends-toi là-bas pour moi, signorina, et je t'en dirai davantage.